À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, Alberto Anaya Gutiérrez, dirigeant national du Parti travailliste mexicain, et Ruben Maria Berra, président du mouvement uruguayen 26 mars, ont fait parvenir leur message au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du travail de Corée, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée. Les destinataires se sont convaincus que les exploits révolutionnaires grandioses du président Kim Il-sung brilleront à jamais à travers l'histoire de l'humanité et ont présenté leur hommage au camarade Kim Jong-un, dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée coréen, et à son peuple.